Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un véhicule très particulier qu'on propose chez UTAC, la Kia Ceed. Bonjour. Oui, et on va essayer d'aller un peu plus loin que la simple fiche technique. Parce que cette voiture, en fait, elle raconte une histoire. L'histoire d'une marque en pleine transformation. Ça commence fort, dès le premier regard, avec ce nouveau logo Kia. C'est plus qu'un simple changement esthétique, on est d'accord? Ah oui, complètement. D'ailleurs, pour l'anecdote, ils ont battu un record du monde Guinness pour le dévoiler. C'est vrai. Avec 303 drones, je crois. C'est ça, qui ont dessiné le logo dans le ciel d'Incheon avec des feux d'artifice. Enfin, ça en dit long sur leurs ambitions, quoi. Et derrière le logo, il y a toute une stratégie, le plan S. Absolument. L'idée, c'est de faire de Kia un vrai leader de la mobilité. Le slogan, c'est « Du mouvement vient l'inspiration ». On sent bien la rupture. Et cette Ceed, eh ben, c'est l'une des premières à porter ce symbole. D'accord, mais l'ambition, il faut qu'elle se retrouve aussi sous le capot. Et c'est le cas. On y trouve un moteur 1.5 TGDI de 160 chevaux. C'est un moteur turbo à injection directe. Donc, il allie vraiment la puissance et une certaine efficacité énergétique. Et il est associé à une boîte de vitesse automatique, c'est ça? Oui, la DCT7, une boîte à double embrayage, connue pour être très douce et réactive. Franchement, elle rivalise directement avec les références allemandes qu'on connaît tous. On sent vraiment qu'elle a été conçue pour les conducteurs européens. C'est une sorte de grand tourisme, en fait. C'est exactement ça. Les retours sont excellents sur son châssis, qui est très agile, et sa direction précise. C'est un excellent compromis entre le confort et la tenue de route. Elle a été développée pour aller chasser sur les terres de la Volkswagen Golf ou de la Peugeot 308, clairement. Bah oui, le message est on ne peut plus clair. Alors parlons justement du modèle qu'on présente aujourd'hui. C'est donc une Kia Ceed 1.5 TGDI, 160 chevaux, avec la boîte automatique. C'est ça. Elle a été mise en circulation le 28 avril 2023. Et elle affiche 78 900 km au compteur. Il faut aussi préciser qu'elle sera disponible à la vente chez nous entre novembre et décembre 2025. Un point très important, c'est sa finition. Spirit. Oui, alors ça c'est intéressant. C'est une version qui nous vient d'Allemagne. Et cette finition offre un niveau d'équipement qui est vraiment très riche. Donc, pour que nos auditeurs se repèrent, ce serait l'équivalent d'une finition haute en France, genre une GT Line. Précisément, c'est tout à fait comparable à une GT Line. Et concrètement, ça veut dire quoi en termes d'équipement? On a de belles jantes de 17 pouces, par exemple, mais aussi des sièges avant et un volant chauffant. Ah oui, ça c'est un vrai plus pour le confort au quotidien. Carrément. Et puis, on a aussi la caméra de recul et bien sûr, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, qui est devenue indispensable. C'est le parfait équilibre entre le style, le confort et la technologie, en fait. Tout à fait. En conclusion, cette Ceed, c'est vraiment la promesse d'une marque qui est passée du statut d'outsider à celui d'acteur majeur du marché. Exactement. C'est un modèle qui illustre la perfection cette montée en gamme et qui, donc, est proposé à la vente chez nous. Et finalement, au-delà de la voiture elle-même, ça pose une question intéressante sur la rapidité avec laquelle une marque peut complètement réinventer son image. C'est une très bonne réflexion. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.